Okay. Jimmy on the mic, yeah. J'ai pas dansé. J'ai mis ma plus belle tenue. Mais de toute évidence, pas le seul à être venu. Il va y avoir concurrence. Tu jettes mon dévolu sur la piste de danse. Mais avant j'aurais voulu te faire une confidence. Même si j'entends déjà tout le monde crier. Hey, yeah. J'ai dit j'entends déjà tout le monde crier. Hey, yeah. J'ai tout essayé, même d'apprendre. Mais mon dernier prof de danse a tenté de se prendre. Je vais casser le mythe et peut-être je reprends. Mais je sais pas danser et je m'en fous. Et je m'en fous. Que je sers, mais sans envahir par le tempo. Je le sais, je le sens, je le sens dans le sang. Mais pas le rythme dans la peau, c'est fou. Je suis comme un pantin désarticulé, j'avoue. Pourtant je fais de mon mieux, oui pourtant je donne tout. Mais la danse ne fait pas partie de mes atouts. Non, car quand je bouge, bouge. Je ne suis pas dans le tempo. Et quand je danse, danse. Je ne suis pas dans le tempo. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Sauf la tectonique, ça, ça pardonne pas. Moi je sais pas danser et je m'en fous. J'ai pas chanté et je m'en fous.